Chapitre 7e. La lumière dans les ténèbres. Ce matin, j'ai réglé l'ordonnancement des obsèques de Séraphin. Hier, j'ai fait le fier au téléphone en disant que j'avais l'habitude, car en réalité, c'est la première fois que je m'occupe directement des obsèques d'un de mes proches. Mon père, ma mère, ma grand-mère étant tous disparus trop tôt de ma vie pour que je m'occupasse de quoi que ce soit. Quant à la mort de ma femme et de mon fils, j'étais tellement dans le coaltard que c'est Séraphin, justement, qui s'était occupé de tout. J'ai compris enfin la véritable signification du terme « croque-mort ». Contrairement à l'idée reçue et véhiculée, le verbe « croquer » ne s'applique pas au mort lui-même, pour constater qu'il est bien « ad patres ». Cette expression concerne son compte en banque ou celui de ses descendants, que les pompes funèbres croquent à belles dents. Je suis ensuite passé au domicile de Séraphin pour prendre de quoi l'habiller. J'étais seul, bien heureusement, car j'ai retrouvé dans l'armoire tout un tas de vieilles photos jaunies que le tonton ne m'avait jamais montrées. On y voyait mes parents lors d'une fête du quartier. Je ressemble à mon père en prenant de l'âge, ma grand-mère avec mes zigues en barboteuse à carreaux, la première camionnette Citroën du tonton, moi, trônant fièrement sur le marchepied, une photo datant certainement de ma réussite au bac, le tonton étant le plus réjoui des deux. Dans la grande rue de Sausset, derrière l'automobile solitaire de Séraphin, je reconnais l'église sans porche à cette époque. Je ne me souvenais pas avoir fait connaissance si tôt avec le village où j'habite aujourd'hui. J'ai réalisé alors que le territoire entre le boulevard Odo à Marseille et la Côte Bleue jusqu'à Martigues avait été le seul univers de la vie du tonton. J'ai trouvé aussi une photo de mon mariage avec Chantal où Séraphin représentait ma seule famille. Désormais, il n'existait plus personne qui m'eût connu petit. Non, je me trompais. Sylvia, la femme de Serge, me connaissait depuis la communale, mais à part elle, Déguin. Eh oui, comme disait je ne sais plus qui, la famille, on n'en prend conscience réellement que quand on n'en a plus. Il me monta tout à coup un chagrin à pousser un bluesman au suicide. Je versai péniblement quelques larmes qui me firent autant de mal que de bien. Depuis 5 heures de l'après-midi, je tourne en rond dans ma baraque. Lisa, rentrée du lycée, finit par me lancer. « Bouh, écoute, Papinou, pose-toi quelque part, parce que tu me files le tournis. » J'attends avec impatience l'heure d'aller chez Fred avec ma gueule enfarinée pour assister à la reconstitution, histoire de dire que je passais par là. J'ai déjà mon alibi. Je vais lui apporter quelques polars et une grosse part de tiramisu, gâteau qu'il adore. Il faut que j'arrive ni trop tôt, ce qui m'obligerait à taper l'incruste, louche, ni trop tard, tel un vautour pour la curer. À 18h30 exactement, je n'y tiens plus. Tant pis si le proc tarde trop et si je suis obligé de m'esbigner pour ne pas que ma visite paraisse intéressée. Tiens, Fred, je t'ai apporté des bouquins et quelque chose que tu aimes bien. Sans attendre, armé d'une cuillère, Fred se jette sur le tiramisu. Ah punaise, qu'est-ce que c'est bon ! Dit-il la bouche pleine. Ce n'était pas trop dur avec les gendarmes ? Non. « De toute façon, qu'est-ce que tu voulais que je leur dise ?» Louisa pénètre dans la cuisine avec un « Ah !» dit sur un ton plein de fiel, sous-entendant. « Voilà le casse-bonbon de service. » Je raconte à Fred la mort de mon parrain et m'étonne de la cherté des obsèques. « Il y a deux choses qui rapportent, » fait Fred, « la bouffe et la mort. »« Et la fesse aussi, » dis-je narquois. « C'est fin, » grommelle Louisa, avec un haussement d'épaule désapprobateur. « Si tu savais pour combien j'en ai eu pour Maïtena, 6 000 euros, 4 millions d'avant, tu te rends compte ?»« Enfin, je ne regrette pas, je lui devais bien ça. »« Elle me manque tellement maintenant. » Puis rassasié, il lance. « Ah, c'était bon. » Avec une promptitude nerveuse, Louisa lui enlève l'assiette et la cuillère, comme s'il risquait de les manger ou de les contaminer. En aparté, mais suffisamment fort pour qu'elle l'entende, « Je grommelle, peau de vache. Elle le laisse même pas respirer. » Et j'ajoute un regard haineux pour faire bonne mesure. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir, Fred ? Dis-je, histoire d'impliquer encore Louisa dans le sujet. La soupe, fait Fred en désignant Louisa du menton, montrant ainsi qu'il la tient pour responsable d'une espèce de punition. Avec ce que vous venez de vous enfiler, vous avez besoin de régime, fait-elle d'un ton acrimonieux. De toute façon, avec les gendarmes qui vont arriver, nous n'aurons pas le temps de manger grand-chose. Juste à ce moment, on sonne à la porte, alors que je commençais précisément à trouver le temps long. « Sauvé par le carillon !» C'est Chavannes, accompagné du proc et de la juge. Barthes se lève pour aller au-devant d'eux, pendant que je reste dans la cuisine en présence de la gorgone. Très vite, le groupe investit la maison comme s'ils étaient chez eux. « Monsieur Barthes, nous allons procéder à la reconstitution de la disparition de votre épouse, » dit la juge, évitant ainsi les termes crime, meurtre ou mort. Un des gendarmes jouera le rôle de la victime. Puis avisant ma présence dans la cuisine, le proc bien vers moi la main tendue. « Ah, Volpi, vous tombez à pic !»« Tu parles, » maugrit Louisa. « Si vous n'avez rien d'autre à faire, j'aimerais que vous observiez la scène, au cas où vous remarqueriez quelque chose d'intéressant. Ça ne vous dérange pas. » « Au contraire, monsieur le procureur, c'est un bien grand honneur que vous me faites. »« Mademoiselle Prévost, je vous laisse organiser la chose. » Le juge se place au centre du cercle que nous formons au milieu du salon. « Brigadier, vous allez monter dans la chambre de Madame Barthes. Vous ferez la victime. Au deuxième coup de sonnette, vous sortirez et vous vous précipiterez vers l'escalier pour aller ouvrir. Allez prendre position. » Le gendarme s'exécute et monte l'escalier 4 à 4. « Je ferme la porte de la chambre ?» demande-t-il. « La porte était-elle fermée, monsieur Barthes ?»« Non, je ne crois pas. »« Allez-y, brigadier, et ne bougez plus. Attendez le deuxième coup de sonnette pour sortir. »« Ah, monsieur Barthes, est-ce que vous auriez un vieux matelas pour amortir la chute ? Nous le placerons dans l'escalier. »« J'ai les matelas pour les transats de la piscine. Je ne sais pas si ça fera l'affaire. »« Bon. Vous, mademoiselle Pereira, vous irez sur la terrasse. »« Vous n'en sortirez que quand on vous appellera. » « Monsieur Barthes, asseyez-vous à votre bureau. Vous ferez les mêmes gestes que quand votre épouse est tombée. »« Mais comment je saurai que le gendarme est tombé ?»« Ben, comme pour votre femme. Je suppose que ça va faire du bruit. »« Chavannes, vous allez attacher la corde solidement aux balustres de part et d'autre de l'escalier. » Le procureur, les mains derrière le dos, observe la scène, tel un inspecteur de l'éducation nationale assistant à une leçon. Il ne dit rien, mais est attentif à tout. « Bien !» fait la juge, tout est en place. Nous pouvons commencer. Elle a l'air de prendre un pied monumental. Elle est belle quand elle commande, mais je n'éprouve pour elle aucune attirance, si ce n'est du respect et de l'estime. Monsieur Volpi, vous voulez aller sonner, s'il vous plaît? Subrepticement, le proc se propulse vers la terrasse en suivant Louisa, certainement pour vérifier si de là on entend la sonnette. Je me dirige vers la porte d'entrée, l'entrebâille, et actionne le carillon, style américain. Sur un signe de la juge, j'enfonce à nouveau le bouton, puis me place au milieu du salon, le nez en l'air pour ne rien rater. La victime sort de la chambre et actionne le commutateur. « Non !» crie la juge. « Il n'y avait pas de courant. Éteignez. Allez, avancez. » Le gendarme va d'un bon pas vers l'escalier. Son pied bute dans l'obstacle, mais la corde se relâchant légèrement, il arrive quand même à poser le bout du pied sur la marche. Son deuxième pied bute à son tour. Son corps pivote alors, il a le réflexe de se rattraper à la rampe. Poussé par l'élan, il bascule finalement vers l'avant, met un genou en terre et roule sur le côté. Barthes sort alors de la chambre, le palier étant toujours plongé dans une demi-obscurité. Il bute lui aussi sur la corde, mais ne va pas plus loin. « Non, ça va pas. » « Vous auriez dû enlever la corde avant que j'arrive. Il n'y en avait pas le jour de la mort de Maïtena, sinon je me serais estramassé. » Le proc prend enfin la parole pour aider Mademoiselle Prévost à ses déconfites. Nous n'avions effectivement pas eu le temps d'enlever la corde. S'il n'y en avait pas lorsque vous êtes venu retrouver votre épouse, c'est peut-être parce que vous l'avez enlevée vous-même, cette corde. Fred devient violet et frappe du pied. Ah non ! Vous n'allez pas recommencer avec ça ! Du calme, monsieur Barthes, déclare le proc péremptoire. Du calme ? Vous êtes sûr que vous ne les avez pas achetés, vos diplômes ? Réfléchissez, si vous en êtes capable. Si j'avais voulu me débarrasser de ma femme, j'aurais pu le faire 100 fois, quand nous sortions en bateau pour la plongée sous-marine. Qu'est-ce que j'aurais été m'embarrasser d'une bondieu de corde que je n'ai jamais vue de ma vie? Non mais vous êtes tous des malades. Vous en avez seulement vu de près des vrais assassins. Monsieur Barthes, je vous rappelle que vous parlez au procureur de la République, l'admoneste la juge. Je crois de mon devoir de calmer Fred, d'autant que les raisons qu'il avance sont tout à fait compréhensibles. Je lui glisse à l'oreille. « Fred, tu as raison, mais je t'en supplie, calme-toi, sinon ils vont te charger à mort. » En plus, ma femme n'a pas pu se retenir à la rampe parce qu'elle tenait un gros classeur dans les bras. « Hein, c'est nouveau, ça !» s'exclame le proc. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?»« Parce que je n'y ai plus pensé. Quand j'ai compris qu'elle était morte, j'ai jeté le classeur sur le palier pour qu'on ne marche pas dessus, et après je l'ai oublié. » « En tout cas, fait le proc, j'ai pu vérifier qu'on ne peut entendre la sonnette depuis la terrasse. » Mais c'est impossible, rugit encore Fred. Moi qui suis sourd, je l'entends toujours quand je suis sur la terrasse. Avec ce vent qui souffle encore, c'est impossible. L'ambiance est en train de virer à l'orage. La petite juge montre son désarroi par de petits gestes nerveux. J'essaie de tenter une conciliation, d'autant que j'ai des idées plein la tête. Je m'adresse directement au procureur. Monsieur le procureur, me permettez-vous de tenter quelque chose? Je crois que ça pourrait être intéressant. Allez-y, Volpi. Au point où nous en sommes, nous ne risquons pas grand-chose. J'aimerais recommencer avec une autre victime, quelqu'un de neuf dans l'affaire. Le planton qui est à la porte me paraît tout à fait approprié. Exact, fait Chavanne. En plus, il était en congé et n'est rentré qu'hier. Parfait. Monsieur le procureur, vous voulez bien vous placer dans le coin de la galerie? Ainsi, vous verrez parfaitement ce qui se passe à l'étage, mais non ce qui se passe en bas. Si vous voulez. Chavanne, tu veux bien sortir sur la terrasse avec Louisa? Madame la juge, vous allez me suivre et observer tous mes gestes. Je fais d'abord entrer le planton et lui explique quel sera son rôle. Je le conduis dans la chambre de Maïtena. Prenez ce classeur dans vos bras et gardez-le contre vous. Vous allez entendre sonner une première fois. Là, vous ne bougerez pas et attendez qu'on aille ouvrir. Si on sonne encore une fois, c'est que personne n'a ouvert. Alors, vous vous précipiterez pour aller déverrouiller la porte. C'est clair? Oui, je crois que j'ai compris. Ah, un détail, fais-je. Vous n'avez pas de blessure? Non, vous êtes en pleine forme. Bon, alors c'est parfait. À tout de suite. Je contrôle que Fred est bien dans sa chambre devant son écran, puis j'allume le palier du haut. La juge toujours sur mes talons, je passe chaque extrémité de la corde dans les balustres de part et d'autre de la première marche, la laissant pendre à terre au rez-de-chaussée. Puis je descends dans la demi-obscurité du salon. Près de la porte du garage se trouve le coffre électrique de la maison. Je l'ouvre et bascule le disjoncteur commandant l'éclairage du palier qui se trouve maintenant dans l'obscurité. Toujours suivi de la jeune prévôt, j'entrebâille la porte d'entrée et sonne une première fois. Rapidement, je vais me placer sous l'escalier distant de 5 mètres et me prends à la corde avec mes deux bras. Aïe ! La cicatrice tire un peu. La juge me regarde, partagée entre la surprise et l'amusement. Personne ne venant ouvrir, et pour cause, au bout de 30 secondes, je recommence la manip. Sonnerie, pas chassé, et je rejoue le cochon pendu. Pour bien stimuler le gendarme cobaye, je crie « On a sonné !» Aussi sec, le pandore sort de la chambre. Je l'entends marmonner « On n'y voit rien !» Je m'affermis sur les deux extrémités de corde, et puis la surprise lui ôte en toute retenue, il éructe « Merde, qu'est-ce que... » Suivi d'un vacarme qui ne présage rien de bon. « Vous êtes malade ! » hurle la victime. « J'aurais pu me tuer ! Heureusement qu'il y avait le matelas !» Le pauvre, il ne sait pas ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un qui n'avait pas de coussin récepteur. Déjà, en un éclair, j'ai tiré la corde par une des extrémités. J'ouvre la porte du garage, jette la dite corde, puis repassant devant le coffret électrique, je rétablis le courant sur le palier, juste au moment où Fred attaque la première marche de l'escalier. Puis, toujours suivi de la juge, je repasse sous l'escalier et me pointe au bas des marches en disant « Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» Le tout n'a demandé qu'une dizaine de secondes. « Et voilà, j'ai terminé, » dis-je presque triomphant. Le proc prend la parole le premier. « Ça va, brigadier ? Pas trop de mal ? Excusez-nous, mais c'était pour les besoins de l'enquête. » « Oui, mais vous auriez pu me prévenir de ce qui m'attendait. »« Eh ben non, justement, » lui dis-je. « Il fallait que vous soyez réellement surpris et que vous ne puissiez pas préparer votre chute. »« Comme surprise, c'était réussi. J'ai juste un peu mal au poignet. »« Ah, si vous aviez vu le soleil qu'il a fait !» exulte le proc. « Heureusement que c'est un sportif. » Il a eu la présence d'esprit de lâcher le classeur et de faire un roulé-boulet. J'ai bien eu peur d'avoir un deuxième mort sur les bras. Enfin. La démonstration était claire et concluante. Modeste, je reçois avec gratitude les remerciements de la juge. Il n'y a pas à dire. L'expérience, tout de même, dit-elle, songeuse. Je pousse encore un peu plus loin mon pion pour affermir ma démonstration. Alors, monsieur le procureur, vous croyez toujours qu'il fallait une troisième personne venue de l'extérieur? Non. Certes non. Mais ça réduit considérablement le nombre des suspects. Madame la juge, Chavanne et vous, monsieur Volpi, venez, suivez-moi. Et nous voilà réunis dans la cuisine pour une veillée d'armes dont je connais déjà les conclusions. Chavanne, demande le proc, allez voir s'il y a un pèse-personne dans la salle de bain, et si oui, donnez-nous le poids de Louisa. En attendant Chavannes, je fais comme chez moi et offre au proc et à la juge une bière qu'ils refusent tous deux par politesse. « Ça n'a pas été facile, » dit Chavannes en revenant. « On aurait dit que j'allais la violer ou que je lui demandais de se déshabiller. Elle pèse près de 70 kilos. »« Oui, belle bête, » fait le proc. « Oui, » dis-je, « mais elle mesure plus d'1m70. »« Et vous, Volpi, combien pesez-vous ? Un peu moins de 80 kilos. »« Bon, nous pouvons considérer que le poids de Mademoiselle Pereira est suffisant. » pour obtenir la même tension qu'avec vous. Par ailleurs, précise la juge, il faut exclure la complicité de Louisa et de Barthes, sinon ils auraient choisi un modus operandi bien plus simple. C'est bien mon avis, dis-je. Le proc hoche la tête en cadence en regardant le plafond. Mais nom de nom, pourquoi toute cette mise en scène, dit-il. Vous croyez qu'elle avouera? À mon avis, non, fait la juge, elle n'ira tout en bloc. Et tant que nous n'avons pas trouvé le mobile du crime, notre affaire ne tient toujours pas la route. Avec un bon avocat, un jury favorable, c'est l'acquittement assuré. Il faut continuer à la travailler. Les gens sont quelquefois moins solides qu'on le croit. La juge finit par se verser un verre d'eau et sa table. Elle pose ses deux mains, très belles, à plat devant elle et nous dit à voix basse « Moi, messieurs, il faudrait que vous m'expliquiez quelque chose. Peut-être que je suis un peu idiote, mais dans l'hypothèse où l'assassin serait venu de l'extérieur, comment savait-il à quel moment exact il fallait qu'il entre pendant que Louisa était dehors ?» « Attendez, » dit-elle, « je n'ai pas fini. Comment savait-il, ou elle, que c'était bien Maïtena, qu'elle est descendue non Fred Barthes ? Placé là où il était, suspendu à la corde, l'assassin ne pouvait voir la personne qui se présentait en haut de l'escalier. » Le proc et Chavannes restent muets et continuent à réfléchir. « Vous permettez ? » dis-je. « Faites, faites, je vous en prie, commissaire. » Pour répondre à votre première question, madame la juge, nous pourrions partir de l'hypothèse que l'assassin était de toute façon dans la maison. Si c'est Louisa, c'est évident, et si c'est quelqu'un d'autre, il a vu sortir Louisa sur la terrasse. Quant à votre deuxième question, on peut imaginer que peu lui importait que ce fût le mari ou la femme, pourvu que ce soit un Barthes. Alors, dit la juge, pour les mobiles, il faut chercher qui avait des raisons d'en vouloir au couple Barthes, et non plus seulement à Maïtena. Exactement. Vous qui habitez à côté, vous pensez que Louisa aurait pu avoir des raisons de leur en vouloir à ce point pour justifier un assassinat ? Ou tout au moins un très grave accident ? Non, franchement non. Fred n'a jamais été très causant avec elle, mais Maïtena, bien que très autoritaire, savait la ménager et la payer grassement. D'ailleurs, s'il avait eu un grief contre eux, pourquoi serait-elle restée à leur service ? Mais enfin, tout de même, il est difficile de croire qu'il n'y ait eu aucune complicité entre Louisa et l'assassin. Elle a bien dû le voir sortir si elle ne l'a pas vu entrer. Pas forcément. La porte coulissante du garage était ouverte. Il ou elle a pu sortir par là, après avoir remis le courant en passant devant le tableau électrique, comme je vous l'ai montré. Oui, bien sûr, fait le proc, songeur. Je voudrais tout de même reposer quelques questions à Louisa, dit la juge. Bon, il se fait tard, déclare le proc. J'ai du monde à la maison, je vous laisse continuer. La greffière s'installe alors à la table et Chavannes fait entrer Louisa. « Louisa n'a Dieu que pour moi. » Son regard lourd de reproche semble me dire. « Ça y est, tu es content ? Mais tu n'as rien compris, mon pauvre, et tu m'as mise dans la mouise. » C'est exactement ce que je perçois dans ses yeux. C'est vrai que ma démonstration était convaincante, mais après tout. Chavannes et moi retournons dans le salon, mais grâce à l'ouverture passe-plat, nous n'allons pas perdre une minute de ce qui va se dire. Quant à Fred... Il est arrivé devant sa télé et a bâti une muraille invisible autour de lui pour ne plus entendre parler de cette affaire. Dans la cuisine, la juge attaque l'entretien. « Mademoiselle Pereira, j'aimerais refaire le point avec vous sur cette affaire. Encore ? Mais je vais vous répéter les choses combien de fois ? Prenez-le un ton plus bas, Louisa. Il y va de votre liberté. La mort est survenue vers 19h30, d'après M. Barthes, ce qui est confirmé par le médecin légiste. « Pourriez-vous me reconstituer votre emploi du temps, disons depuis 17h ?»« Vers 5h, j'ai mis la daube au feu. Puis j'ai sorti le linge de la machine et j'ai attaqué une autre lessive. Je suis allé tendre une partie de linge propre dans la salle de bain, une autre partie dans le salon, sur un étendoir pliant, et le reste dans le garage sur une corde. Dehors, avec le temps qu'il faisait, ça ne risquait pas de sécher. « Justement, au sujet de la corde du garage. » On a trouvé la même corde chez vous et M. Volpi a signalé que la corde qui a servi au crime a disparu du garage après votre départ. Oui, et bien si M. Volpi était si observateur, il aurait pu s'apercevoir que la corde était au-dessus de lui sur une étagère. Je me suis pris les pieds dedans quand je me suis changé. Je l'ai enroulé pour la ranger, moi. Lui, il a vu qu'elle était au milieu, que c'était dangereux, mais il ne s'est pas bougé. Bon, passons. Vous avez la même cohorte chez vous. C'est bizarre, non? Bien sûr. Comme c'est bizarre que la moitié des sauce-toi ait la même cohorte chez eux. De la corde en nylon, comme ça, tout le monde en a. Vous m'avez l'air bien au courant des choses de la maison, vous. Je vous en prie. Reprenons. Après l'étendage, j'ai rangé le salon, profitant que les Barthes étaient au premier. Et après, quelle heure était-il? Je ne sais pas, peut-être dans les 6 heures. Après, j'ai fait du repassage sur la table de la cuisine, des torchons et des serviettes. C'est là que je me tiens la plupart du temps. J'ai mis la radio pour écouter les infos de 7 heures, et puis j'ai regardé ma daube pour voir si elle ne cramait pas. J'ai terminé mon repassage en même temps que la fin des infos. Pendant tout ce temps, vous n'avez rien remarqué, rien entendu d'anormal dans la maison? Non. Qu'est-ce que vous vouliez que j'entende? Je ne sais pas, des bruits, la porte d'entrée, des pas dans la maison. Oh, des bruits, vous savez, il y en avait. Les Barthes allaient et venaient à l'étage, la machine à laver, la radio, la tempête. Qu'est-ce que vous vouliez que j'entende d'autre? Vous n'avez pas senti de présence? Non. Bon, et après, qu'avez-vous fait? Après, j'ai rangé les torchons et les serviettes dans un meuble du salon. Il y avait des chaises partout, même sur la bâche de la piscine. Je suis sorti et je les ai empilées pour les attacher dans un coin, sinon on les aurait retrouvées toutes chez le voisin ou dans la crique. Vous n'avez pas entendu la sonnerie de la porte? Avec le mugissement des vagues, le hurlement du vent dans les arbres, même si j'avais crié, je ne me serais pas entendu. Après, je suis rentré dans le salon. C'était éclairé, et là j'ai vu M. Fred en haut des marches, et Mme Maïtena est allée dans l'escalier. M. Barthes dit ne pas vous avoir vu rentrer de la terrasse. Bah forcément, il avait la tête dans les mains, il m'a vu quand je lui ai parlé. Bien, et vous avez appelé le SAMU? Pourquoi le SAMU? Parce qu'en principe, ils sont plus efficaces que les charcutiers pour ce genre de choses. Ah, ça va, hein. Pourquoi pas les pompiers? Ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite, avec celle d'être allé chercher ce fouille-merde de Volpi. C'est vrai que les pompiers auraient embarqué Maïtena et vous ne seriez pas là à me prendre la tête. Détrompez-vous. Les pompiers actuels sont moins naïfs que ce que vous croyez. Quand vous êtes sorti pour aller chercher le commissaire, vous n'avez rien remarqué dehors? Non, il faisait noir et le vent me prenait la tête. Je crois n'avoir rien perdu de l'entretien et je dois reconnaître que Louisa se défend comme une lionne. Finalement, malgré sa tête de cochon, elle m'apparaît sympathique, cette fille. Elle a du cran. C'est vrai que, vu de sa fenêtre, j'apparais comme celui par qui le malheur arrive, l'empêcheur de tourner en rond. J'aurais pu ne rien dire et laisser faire. Le crime serait passé comme une lettre à la poste. Ça n'aurait rien changé pour Maïtena, pour Fred et encore moins pour l'assassin ou pour moi. Mais la justice dans tout ça. Je ne me suis pas battu pour elle pendant près de 40 ans pour tout oublier après une opération. De temps à autre, nous échangeons des banalités avec Chavannes, trop concentrés l'un et l'autre, pour ne rien perdre de ce qui se dit dans la cuisine, où l'entretien continue. Vous vous entendiez bien avec Madame Barthes? Dès le départ, j'avais mis les choses au point avec elle. Je faisais ce qu'elle me disait de faire, mais elle a vite compris que les démonstrations d'autorité ne m'intimidaient pas. Je suis plus grande qu'elle, et elle ne m'impressionnait pas. Elle est très tatillonne sur les quantités, la qualité. Elle ne regardait pas la dépense, mais n'achetait pas n'importe quoi. Elle ne se privait pas, son mari non plus, mais il ne jetait pas l'argent par les fenêtres. Elle vous payait bien? Royal. Quand elle a compris qu'elle pouvait me faire confiance, elle a doublé mon salaire. Monsieur Barthes continuait à me donner la même chose. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore changé de place? Eh ouais. Vous êtes portugaise? Mais non, j'ai un nom portugais, mais ma famille est en France depuis 2 générations. Oui, c'est vrai. Vous êtes né à Saint-Bertrand-de-Comminges, près de Saint-Gaudens, c'est ça? Oui. Pourquoi êtes-vous venu travailler ici? Je voulais être au bord de la mer et c'est Mokhtar, que j'ai rencontré dans un train, qui m'a rencardé sur cette place. Je ne connaissais pas la Méditerranée. Après, on est sorti ensemble avec Mokhtar, et voilà. Bien, mademoiselle Pereira, je pense que c'est tout. Je peux rentrer chez moi? Oui, bien sûr. Lorsqu'ils sortent de la cuisine, je m'adresse à Chavannes, mais suffisamment fort pour que Louisa entende. C'est vrai, après tout, rien n'exclut l'intervention de quelqu'un de l'extérieur. Ça ne change pas le modus operandi. Je sens alors le regard de Louisa se radoucir à mon égard.